François Morel, bonjour, c'est à vous. Bonjour. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. L'actualité fait de moi une annexe de Borgnole, un satellite de Roblot et Rock Éclair. Je n'y peux rien, j'aimerais autant parler des vivants. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Si le proverbe est juste, alors en ce début de semaine, avec la disparition de Jean-Claude Carrière, auquel le terme vieillard ne saurait convenir, c'est la bibliothèque d'Alexandrie qui à nouveau vient de disparaître dans les flammes. Et puis celle de Paris, de Delhi, de Mexico, et puis aussi la petite bibliothèque qu'on imagine posée sur une étagère de la salle de classe, chauffée au poêle à mazout, où patiemment ont été réunis par l'instituteur de la République les livres qui feront des futurs adultes, des femmes et des hommes de bien. On y trouvera les ouvrages de Montaigne, La Fontaine, Madame de Sévigné, Victor Hugo, Colette et Alphonse Allais, parce que rien n'est vraiment sérieux. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Là, c'était une bibliothèque de la tradition orale, celle qui connaissait la saveur du vin bourru, la moiteur de la mousson, la douceur des soirées andalouses et le salpêtre du théâtre des Bouffes du Nord. Une bibliothèque de la parole assez farceuse pour chambarder les vers d'Edmond Rostand sans que personne n'y trouve à redire, assez fraternelle pour s'adresser aux ministres et aux quidam, aux rois et aux mendiants, avec le même intérêt, le même respect, la même subtilité. De toute façon, le ministre est un quidam qui s'ignore et le mendiant règne en seigneur sur son royaume intérieur fait de rêves et d'intimes épopées. Jean-Claude Simoen, celui qui fut notamment l'éditeur de Jean-Claude Carrière, raconte. Un jour, rendant visite à Jacques Prévert, assis à son bureau, il venait de raccrocher son téléphone et dessiner sur un répertoire grand ouvert une petite fleur à côté d'un nom. « Tu vois, me dit-il, je viens encore de perdre un ami et comme je me suis toujours refusé de rayer les noms, je dessine une petite marguerite et à mon âge, le répertoire est devenu un champ de fleurs. » La ligne de Jean-Claude Carrière, comme celle de Jacques Prévert, poursuit Simoen, resteront dans mon répertoire à jamais interdites de tout effacement. Il faudrait créer une application sur nos téléphones portables pour ajouter des petites marguerites virtuelles aux noms qu'on ne peut se résigner à effacer. Un ami de l'humanité vient de disparaître et l'on n'effacera pas son nom de nos mémoires. Une bibliothèque a brûlé. Un champ de fleurs a poussé, des fleurs sauvages et cultivées, que Jean-Claude Carrière toute sa vie a fait pousser avec la patience du jardinier et l'inspiration du poète. Scénariste, dramaturge, écrivain, comédien, adaptateur, conteur, parolier, et quoi encore ? Un type bien. Un très grand merci à vous, François Morel. On vous retrouve d'ailleurs ce dimanche 14 février à 21h sur Inter, dans le rôle de Pierre Dac dans l'émission Autant en emporte l'histoire de Stéphanie Duncan, consacrée donc à Pierre Dac, résistant et roi des loufoques. France Inter.